Pour dire « avant une certaine heure » ou « avant un certain jour », on emploie en espagnol « antes de ». « Antes de » s'écrit en deux mots. « Antes » A-N-T-E-S et « de » D-E. On utilise toujours le petit mot « de » après « antes ». Devant le nom d'un jour, comme on l'a vu précédemment, on emploie toujours « el ». Donc, pour dire par exemple « avant dimanche », en espagnol, on utilisera « antes del domingo », puisque « de » suivi de « el » se contracte en « del ». Traduisez-moi alors. Ils doivent le faire avant dimanche. Tout à fait. Tienen que hacerlo antes del domingo. Tienen que hacerlo antes del domingo. Ou, vous pouvez dire aussi, lo tienen que hacer antes del domingo. Dans tous les cas, le de et le el deviennent del, antes del domingo, avant dimanche. Essayons de traduire un autre exemple. Si vendredi se dit viernes, V-I-E-R-N-E-S, et après, después de, D-E-S-P-U-E-R-S-N-T-Q-S, puis D-E, comment diriez-vous ils l'ont terminé après vendredi? Lo terminaron después del viernes. Lo terminaron después del viernes. Pour résumer, quand antes et después sont suivis d'un mot qui les complète, on les fait toujours suivre de « de ». Devant le nom d'un jour de la semaine, on utilise toujours « el ». Donc, si on a « de » devant « el », « de » plus « el » devient « del ». Antes del viernes, avant vendredi. Passons maintenant aux saisons et aux mois de l'année. Junio, julio et agosto sont des mois d'été, meses de verano. Verano, que l'on écrit V-E-R-A-N-O. La plupart des noms de mois et des jours de la semaine proviennent de la mythologie. Ainsi, Junio vient du nom de l'épouse de Jupiter, la déesse romaine Juno, qui se dit Juno en espagnol. Et Julio a été donné en honneur de Jules César, Jules se disant Julio. Août se dit Agosto, car il provient du nom de l'empereur romain Auguste, qui se dit Augusto. Maintenant, si vacances se dit las vacaciones, V-A-C-A-C-I-O-N-E-S, comment direz-vous alors les vacances d'été? Bien, las vacaciones de verano. Et si hiver se dit invierno, I-N-V-I-E-R-N-O, dites-moi, je préfère le climat d'hiver. Prefiero el clima de invierno. Prefiero el clima de invierno. El clima est l'un de ces mots qui semble féminin parce qu'il finit en A, mais qui, en fait, ne l'est pas. Ces mots sont en général un problema pour ceux qui apprennent l'espagnol, mais plus pour vous. En parlant d'hiver, si décembre se dit diciembre, D-I-C-I-E-M-B-R-E, comment diriez-vous « il fait froid en décembre » Hace frío en diciembre. Hace frío en diciembre. Vous venez de réemployer une expression que l'on a déjà vue ensemble. Et si janvier se dit enero, E-N-E-R-O, et aussi también, T-A-M-B-I, et accent aigu N, comment direz-vous « il fait froid aussi en janvier » Placez « también » au début de la phrase. C'est ça, « también hace frío en enero ». Pour connaître les autres mois et saisons de l'année, consultez le livret accompagnant cette méthode. Voyons si vous pouvez relever ce nouveau défi. Pouvez-vous d'abord deviner comment l'on dit « tableau » en espagnol? Pensez au mot « cadre ». Cuadro. Cuadro, qui s'écrit C-U-A-D-R-O. Si le printemps se dit la primavera, P-R-I-M-A-V-E-R-A, comment direz-vous le printemps est un tableau de Botticelli? La primavera es un cuadro de Botticelli. La primavera es un cuadro de Botticelli. Et pour faire les tours de saison, l'automne se dit el otoño. O-T-O-N avec tilde O. Donc, en utilisant deber et antes de, pouvez-vous me dire je dois le terminer avant l'automne? Debo terminarlo antes del otoño. Debo terminarlo antes del otoño.